Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Bonsoir les amateurs de musique, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 Québec et France qui a le fou rire. Bon, vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François et bon, là Jean-Claude va faire rire France encore. On jasait avec Vincent et Jacques de Richard Pinas qui ont mis à l'émission. Et ben, nous autres, on avait eu bien du fun avec ça quand on l'avait vu au festival... Au Nirfest, si je me souviens bien, de 2004, là, où que Richard Pinas était empêtré là, dans ses pédales. Et dans ses boucles. Et dans ses boucles de musique, oui. Alors, c'était bien drôle. Et... On avait bien du fun de se remémorer ça. Et ben on en profite aussi pour saluer Renaud, un auditeur que Vincent a mentionné tantôt, qui disait que Renaud est un grand amateur de CKRL et du samedi soir à CKRL. Ben on espère qu'il est resté à l'écoute. Et ben si Renaud est amateur de Pink Floyd, il y aura du Pink Floyd, pas directement Pink Floyd, là, mais PVL. Ben oui, qui font un très bel hommage et ce sera du vieux Pink Floyd. Là. On va entendre The Narrow Way. Pour clore l'émission. Mais entre-temps, on a d'autres choses très intéressantes. On a de la musique qui gronde. Ben, on a un petit peu de concurrence, oui, parce que... on a des orages. Ben, c'est pas les grands feux l'Auto-Québec là, qu'on entend. Je pense que ça va être cancellé malheureusement. Mais heureusement pour nous, finalement, ça nous fait moins de concurrence. Mais disons que ça tombe allègrement, et c'est contrairement aujourd'hui. On nous annonçait beaucoup de pluie pour la journée. Et on n'a pas l'habitude de parler de météo, mais là, pour nous autres, c'était un peu spécial, étant donné qu'on avait des connaissances qui se mariaient et ils ont eu une très belle journée pour ça. Mais trêve de météo et d'autres bavardages, on va y aller avec un petit peu de musique. On a eu plein de nouveautés. Là. Michel est passé avec une pile de disques et on a du Comedy of Error. Oh oui, puis il est bon, très bon. Ben oui, il est peut-être doux un peu. Ben en fait, ça fait juste 2-3 jours qu'on a ça, on n'a pas eu le temps d'écouter beaucoup, mais quand même, ça s'appelle House of Mine et... Et je pense qu'il y a des choses qui... Oh, mon Dieu, qu'on voit des gros flashs. Ça nous déconcentre un petit peu. Et bon, ben, l'album s'appelle House of the Mind et ça n'a pas joué encore. On va entendre une pièce qui est assez longue, qui s'appelle justement House of the Mind. C'est la pièce titre. Et j'en profite aussi pour parler de l'ouverture, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent de ce temps-là. On parle beaucoup de fermeture de commerce de disques, et là, ben c'est une ouverture. C'est Sunrise qui est ouvert récemment, là, je pense que c'est la semaine dernière. Et ben j'ai trouvé quelque chose sur le label cunéiforme chez Sunrise. C'est Bubble Matt. Michel vous a déjà présenté ça. L'album s'appelle Edith Peptide, et ben c'est le deuxième disque. Le premier date de 2002. C'est de la musique cunéiforme, disons, là, mais ben en fait, on va vous laisser vous faire votre propre idée. Donc, on débute avec Comedy of Error et la très bonne pièce House of Mine. We'll be right back. searching for anything. Headlong we fall to the center of everything. Crouch the environments of sweet tasting modeling. The mirror reflects Don Quixote is back again. Take all the feelings that you left. find ourselves. I know our time is yet to come, and come it never will. We were lost right from the start. Nothing now and nothing then matters much, and in the end, just who was keeping score? Never now and not before. Stands, but is it real? No accolades drawn out in time for those who come from stony slime. Life in doubt, common sense dissolves in time's indifference. We look for answers from above. Call it faith, call it love. I've been hating this crazy. CKRL 444-489. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201 ou au 405 3e avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Adhérez avant le vendredi 1er septembre 20h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de $300 lors de l'émission du dévoilement de la programmation automne-hiver 2017-2018 au Bal du Lézard. Ben oui, le Bal du Lézard et la nouvelle programmation 1er septembre. Et bien sûr, nous serons de retour au mois de septembre avec toujours la même équipe. Et on a fini ce premier bloc avec Bubble Matt. Comment t'as trouvé ça? Ah, j'ai aimé, moi. Ils sont un petit peu énervés, là, mais mais il y a de quoi être énervé aussi après 15 ans, parce que le premier disque datait de 15 ans, 2002. On ne peut pas dire qu'ils inondent le marché, contrairement à un autre groupe qu'on nommera tantôt. Et on avait débuté avec Comedy of Error, qui nous replongeait là, dans le spectacle. Du festival. Ben oui, un beau spectacle, là, énergique, là. Avec des musiciens aguerris, puis un chanteur qui courait partout. Ah oui. Comme un petit jeune de 20 ans, alors que... Plus que le double. ça fait longtemps qu'il n'y a plus 20 ans, mais ils sont très en forme. Et c'est leur quatrième album qui s'appelle House of the Mind. Il est bon. Mais on jasait avec les gens lors du festival, et il y en a qui préféraient désobéir à Spirit, leur dernier disque qu'ils avaient fait avant. Et ben, tout le monde s'entend pour dire que Fanfare était le meilleur. Bon, en tout cas, c'est celui que je préfère. Mais on va parler de discipline. Marc avait une opinion un petit peu mitigée. Là, on l'écoutait une couple de fois. T'en as pensé quoi? C'est trop vite, hein? Oui, c'est trop vite pour que j'en pense c'est quoi, là. Ben, on le réécoutera. Et ben, ça s'appelle Captive of the Wine Doxy. Marc en a fait jouer, Michel aussi. Michel avait une opinion mitigée. Marc trouvait que c'était pas leur meilleur. Fait que moi, quand j'ai entendu l'album au complet, ben j'avais un a priori presque négatif. Mais c'est drôle, ça m'a plutôt enchanté. En tout cas, on verra un petit peu à la longue. La pièce que j'ai retenue ce soir, c'est Life Initiate Art. Et cette pièce-là, c'est du Peter Emile. C'est du vieux Van der Graaf, Peter Emile, de la même période, là, disons avant 1975. C'est flagrant. Mais on sait que Mathieu Parmeter est un amateur. Il y a des gros flashs. Ben, ça nous distrait un peu, oui, parce que disons que nous autres, dans notre studio vitré, là, on est aux premières loges pour voir ça. Donc, on va entendre cette pièce-là, puis je m'en demanderai. Bruno, t'es trop vite, là, Bruno. Là. Bruno, il a hâte de l'entendre, là, mais quand même. On va ensuite, ce sera suivi de Elegant Simplicity. Moi, j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas fait. C'est parce que j'ai complètement perdu la trace de ce groupe-là, parce qu'il y a ça peut-être une quinzaine d'années, mais ils en ont fait plusieurs autres là, qui sont passés sous le radar. Et bon, ben, je disais qu'il y avait un groupe qui inondait un petit peu le marché de nouveaux disques, là, c'est Big Big Train, mais heureusement, on est toujours dans la grande qualité. Ce nouveau disque s'appelle The Second Brighter Star. Comme Marc et Michel l'avaient mentionné, il y a des nouvelles pièces qui sont issues des sessions de folklore et de Grimspan. Il y en a un autre qui s'en vient. Eh bien, il est même sorti, d'après ce que oui, tu m'avais je pense, dit. Oui, je pense. Mais c'est un mini, avec juste une pièce de 35 minutes. Peut-être le 27 août, en tout cas, ou le 27 juillet, là. Il faudrait que je revérifie. C'est pour ça qu'on peut parler de presque inonder le marché. Heureusement que la qualité est toujours au rendez-vous. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui était à l'origine sur Folklore. Ça s'appelle... London Plane Sequence. Donc, on débute avec Discipline Against Simplicity et on termine avec Big Big Train. This flesh, a masterless cathedral. Dearly beloved, pray no more. No unity of congregation. Obscene graffiti on the door. And in my day-to-day I'm losing. The odds against me all tails down. To choose the user or the loser. Three heads up, FYI, the clown in art. I can be an example to you in life. I can be a failure, it's true. Songs for all the boys and girls to sing along in high school and the reunion. I remember that one too, and life imitates art. It's true. I'm crafting all the words together. The melody is on its own. But there's no meaning in the outcome. It had been better left alone. Thus every song is about writing. And every act is about words. To crack the egg of expectation. And feed the singing of the birds. That's why we make pretty songs. And girls to sing along in high school and reunion. I remember that one too, and life imitates art. It's true. And now there's nowhere left to hide. Strength in numbers or in pride. Shall I concede to fail the infinite audition? Or claim success in suicide? In art. In art. I can be an example to you in life. I can be a failure, it's true. That's why we make British songs for all the boys and girls to sing along in high school and reunion. I remember that one too, and that's why we make

trucks are stopped and boats are held. Time and time. Trouve ta voix. Quand le rouge s'allume, j'ai réalisé que sans la radio, et qu'on s'apprête à se mettre en jeu, je n'existerai pas. C-K-R-L. .qc.ca. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Et nous sommes de retour, toujours en santé. Oui, Dame Nature a fait des siennes. Ben, on a été victime, effectivement, de Dame Nature, là, qui est allée d'un coup de tonnerre assez bien senti. Là. Et ben, ça a fait peur à nos lecteurs. Là. On a été obligé de faire un petit reset de tout ça. Là. Puis c'est pour ça qu'il y a eu un délai. Là. Et ça l'a gelé complètement. Là. Et bien, nous autres, on est toujours là, on est de retour. Mais il n'y a rien qui nous arrête, et surtout pas Bruno. Là. Bruno, derrière sa console, il est invincible. Donc, c'est Big Big Train qui a été interrompu par la foudre. Et juste avant, c'était Elegant Simplicity de leur nouveau disque, Kicking the Olive Branch. Un drôle de titre. Et bien, je pense que vous serez d'accord avec moi que cette pièce-là de Discipline ressemble étrangement à du Van de Graaff Generator ou Peter Hamill, là, de la même période, là, disons, du début des années 70. Mais c'est une pièce savoureuse qui s'appelle Life Initiate Art. Et ben on y va avec un nouveau disque. Ben oui, c'est nouveau. C'est David Walliman, comme Michel en avait parlé. Là, c'est un ancien guitariste de Glasshammer. Oui. Et ben sur ce nouveau disque-là, ben il y a eu de l'aide un petit peu. C'est un multi-instrumentiste, mais il y a quand même Nick DiVirgilio qui joue avec lui. Et il y a aussi Fred Chandel là, qui joue sur une pièce. Mais c'est extrêmement précis son affaire, comme là, la participation de Fred Chandel. Ben il donne la place exacte, comme c'est... à 5 minutes 47 là, de la pièce Saver. Ben, ça, c'est précis. Hein. Puis à la base, c'est Randy George là, qui accompagne toujours Neil Morse. Donc on va entendre une pièce, pas la même que Michel a fait jouer. Et ce sera suivi de Caribou, un groupe allemand qu'on n'a pas fait jouer souvent, à ma connaissance. Faut retourner beaucoup dans le passé là, pour trouver quelque chose de Caribou. C'est un nouveau disque qui s'appelle From Here to Impossible. Et ben, on va revenir, mais je me demande, même si j'en ai mis, parce que j'ai toujours voulu mettre ça au programme, c'est Alan Reed. Oui, l'ancien chanteur de Palace. Exactement, mais il a aussi été membre de Abel Gance, oui, sur le premier disque. Et aussi dans Stranger on a Train. Et bien, justement, ce disque-là, Gratuitous Flash, il vient d'être réédité là, avec une nouvelle pochette. On cherche ça, mais disons que pour l'instant, c'est un peu rare. Et sur ce disque-là, qui s'appelle Honey on the Razor's Edge, ben il y a Mike Stubby, qui a fait partie aussi de Palace, mais il y a Christina Bouffe, que lui-même qualifie de divine. Magenta. Ben oui, la chanteuse de Magenta. Et qui est une très bonne chanteuse, qui chante très bien. D'ailleurs, on a entendu une pièce... la semaine dernière. Ben oui. Puis, on va terminer ce bloc avec Anathema et la pièce d'Optimist, justement, de cet album-là, et peut-être quelques notes. Là. C'est une histoire qui commence à la fin de l'album A Find Day to Exit, qui date de 2002. Et donc, c'est un retour. Ce disque-là, ben, le prétexte, c'était un homme qui met en scène sa disparition. Mais sur le nouveau disque d'Optimist, ça commence avec un drôle de titre. Là, puis, ben, en réalité, c'est les coordonnées de la voiture qui se trouvait sur une plage là, en 2001. C'est les coordonnées exactes où est-ce qu'elle était située, la voiture. Donc, dans ce nouveau disque, ça s'appelle D'Optimist, l'homme sort de l'eau, il récupère ses vêtements qu'on voit sur la pochette là, de A Find Day to Exit. Il démarre la voiture, la même voiture qui était là, puis c'est les 48 heures qui suivent. Puis là, il se retrouve à une situation que lui ne s'attendait pas du tout. Puis ça, c'est pour ça qu'il devient optimiste à ce moment-là. Donc, on dit qu'il va avoir des aspects visuels durant le show. Puis la version 5.1 qu'on retrouve avec le disque, bien, ça a été faite par Bruce Sword. Donc, on débute avec David Walliman. Thank you.

somebody else. Thank you. Donc, c'était Anathema, la pièce titre du nouvel album The Optimist. Et ben, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, il y a un lien à faire avec l'album de 2002 qui s'appelait Find It or Exit, mais aussi avec We Are Here Because We Are Here, où sur la pochette, on les voyait. En fait, on voyait personne, mais il y avait une plage. Donc, tout ça, c'est relié. Il y a une thématique là, qu'ils ont développée depuis une quinzaine d'années là, qui revient régulièrement, ça paraît aussi dans les textes. Et bien, fait un peu surprenant, en interview, Vincent Cavanna parle du rappeur, ben, en fait, on parle plus de hip-hop, là, de Kendrick Lamar. Là, puis pour lui, ça, c'est un des disques exceptionnels. Je trouve ça surprenant. En tout cas, on pourra peut-être jeter une oreille là-dessus, là, sur Internet, sûrement des vidéos. Ils vont être parmi nous samedi prochain. Ben oui. À la salle multi de Méduse. Bon, il sera. Et juste avant, c'était Alan Reed avec sa voix un peu spéciale de son album Honey on the Razor's Edge. Et plutôt, c'était Caribou, le groupe allemand From Here to Impossible, un nouvel album. On avait débuté avec David Walliman, Evolving Seed of Glory. Et on y va en pub et on revient tout de suite après. C'est KRL. À Québec. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. CKRL, la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention. Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch. Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Et c'est la campagne de préadhésion des cartes de membres de CKRL. Ça se poursuit jusqu'au vendredi 1er septembre. Et vous êtes invités au lancement de la programmation automne-hiver au Bal du Lézard, vendredi 1er septembre, dès 17h30. Et en devenant membre, lors de la campagne de préadhésion jusqu'au 1er septembre, vous êtes éligible à un tirage d'un panier de certificats cadeaux d'une valeur de 300$. Et qu'est-ce que ça donne d'être membre de CKRL France? Pour 25$, c'est soutenir la plus ancienne radio communautaire francophone au monde qui existe depuis 1973, soutenir la relève artistique de tous les arts, musique, théâtre, cinéma, littérature, arts visuels, etc., écouter la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont gagné des prix à la disque. Profiter des rabais de 10 %, 15 % et 20 % chez différents partenaires de la région. Les rabais offerts sont inscrits sur notre site Internet et mentionnés chaque jour sur nos ondes. 4 façons d'adhérer. Remplir le coupon et nous le retourner par la poste. Nous contacter par téléphone au 418-640-2575 au poste 201. Passez nous voir sur les heures de bureau au 405 sur la 3e avenue ou par le service sécurisé PayPal, onglet Devenez membre rabais, disponible au www.ckrl.qc.ca. Votre carte de demande est valide pour un an à la date d'adhésion. Eh bien oui, à CKRL, c'est là que vous entendez des pièces qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, de la musique exclusive. Et ben, je pense que le samedi soir, tout le monde est assez bien gâté avec les illusions auditives. Et l'autoroute tout de suite après Terrain Incognita. Donc, ça fait plusieurs heures de bonne musique. Et ben, en parlant de bonne musique, il y a Anima Mundi. On a parlé beaucoup de I Myself. I Me Myself, oui. On a déjà fait jouer à l'émission, mais là, on a reculé un petit peu dans le temps. Là. Je me suis procuré ça cette semaine, là, de Lamplighter, qui était passé, disons, inaperçu pour moi. Les disques sont pas faciles à trouver. Hein. Donc, on va entendre la pièce tirée de la suite Tale from Endless Star, la pièce elle-même, Endless Star. Et ce sera suivi de Fatal Fusion, qu'on redécouvre. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. Là. On le fait jouer souvent. Total Absence, qui est vraiment beaucoup supérieur à leur premier disque. C'est la voix du chanteur que j'aime beaucoup. Ben oui, il y a une belle voix. Oui. On va entendre Shadow of the King. Oui. « shadow falls upon a mighty king. He is lost, he doesn't seem to care for anything. Hear him cry, I seek eternity. With me. giant's head from the mountain past the scorpion bell. Reach it down to the gates of hell. Let the heavens wish me well. Make a deal with the ferryman. Sail across the sea, pray that he will tell. I see. Fatal Fusion s'était précédé de Anima Mundi. Tu voulais nous parler d'un DVD de RPVL. RPVL, c'est ça, j'ai eu l'occasion de le visionner et de l'écouter hier. A New Dawn, un très bon DVD, théâtral, chanteur. Il n'y a pas juste Yogi qui chante, il y a différents chanteurs, il y a des choristes, il y a même quelqu'un qui joue du sitar. C'est un très bon DVD. Fait que pour les inconditionnels de RPVL, là, à se procurer absolument. Excellent. Et d'ailleurs, on termine sur RPVL avec la pièce de Narrow Way, cet extrait de RPVL, Play Pink Floyd's The Man and the Journey. Et on vous remercie d'avoir été avec nous et restez à l'écoute de l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Bonne semaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Messieurs, je vous présente la reine Elisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître? 89. Elisabeth II. CKRL.QC.CA. Et couronnée. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. La rouge orangée de sa cigarette. Le bleu et le vert par la fenêtre ouverte. Chansons en anglais. I'll kiss you deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Juste Robert et MCC en duo pour une session hashtag LaFab. Est-ce que tu voudrais faire l'amour avec moi? Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Ouais, on a eu tout un party avec mes amis Bière et Join. Tiens, Join, prends les clés. Et tu fous, je suis bien trop stone. Hey, Bière! Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus. Reste-toi, Dave! Puis t'as pris juste quelques verres. Et puis deux, trois pof. Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus. Ben, comment on rentre chez nous? Allez, Dave! Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire. Allô? J'aurais besoin d'un lift. Un message de Mad Canada. Imagine ça. Par un beau soir d'été, sur la terrasse du sacrilège, t'es ben relax. Et soudain, une sensation de faim extrême et un besoin de manger subit te ronge l'estomac. Tu fais quoi? Comment assouvir ta fringale? Tu ouvres l'application Go Local et tu commandes chez Bol et Poké ou au pub Le Projet et ton repas est livré directement au sacrilège. N'est-ce pas merveilleux? Visite lesacrilèges.com pour plus de détails. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. CKRL est en campagne de préadhésion 2017-2018 et c'est le temps de renouveler votre carte de membre ou de le devenir. Adhérez avant le vendredi 1er septembre 20h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de $300 lors de l'émission du dévoilement de la programmation automne-hiver 2017-2018 de CKRL au Bal du Lézard. Renouvelez votre carte de membre au 418-640-2575, poste 201 ou au 405 3e avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. N'attendez plus.